Bah, c'est sûr que pour nous, c'est très triste pour toutes les familles du quartier Saint-Sauveur qui rêvaient d'avoir ici un accès aux services culturels et éducatifs tels qu'on le propose, c'est-à-dire une belle bibliothèque de quartier ouverte sur notre parc avec une grande salle polyvalente sur 2 étages. On avait la possibilité d'aménager 2 lieux d'exposition, des salles pour la création, la diffusion et l'animation culturelle, en plus d'un CPE avec une ouverture, un agrandissement de notre parc. Fait qu'on trouve ça très déplorable la façon que le maire agit sans consulter la population, sans l'informer non plus de toutes les données concernant ce dossier-là, sans aussi en se cachant derrière son bureau de l'hôtel de ville sans venir les voir, et puis en refusant, ce qui est la goutte qui fait déborder le vase, c'est de ne pas vouloir rencontrer les pères Aublats, les missionnaires qui ont bâti ce centre au mandat de la ville. Il faut savoir que tous les maires depuis 1947 ont investi de l'argent dans le centre du Rocher que les paroissiens avaient payé. C'est un centre qui nous appartient, qu'on a payé, que tout le monde a investi, qui est en santé. On le voit, les murs sont ouverts en ce moment. Le bâtiment est très en santé. On est en train de démolir et gaspiller de l'argent. Monsieur Labeaume nous fait vraiment beaucoup de tort dans Saint-Sauveur. On voit qu'il y a plusieurs dizaines de citoyens qui se sont déplacés un jeudi matin comme ça au lieu d'aller au travail. Qu'est-ce que ça indique selon vous? Mardi soir dernier, on était 250. On a essayé de rentrer dans un périmètre de 90 mètres carrés. C'est ce qui nous réserve pour la bibliothèque Gabriel Leroy. On voit que ça ne marche pas. Monsieur Labeaume, Madame Gilbert, 90 mètres carrés, on n'a pas assez de place. On n'est même pas capable de rentrer dedans. Fait qu'on veut une bibliothèque digne de ce nom. On veut des services. On n'est pas des citoyens de seconde classe. C'est pas parce que Saint-Sauveur, c'est un quartier défavorisé qu'il doit le rester. Et s'il vous plaît, arrêtez la charité. On veut des vrais services. On paye des taxes ici. Bon, en terminant, vos demandes exactement aujourd'hui, ça serait quoi? On comprend que vous aimeriez que la démolition, ça s'arrête, mais exactement vos demandes aujourd'hui, vos revendications pour l'administration municipale? Nous, ce qu'on demande, c'est la consultation en amont des projets. Le maire veut faire changer la loi municipale pour abolir les référendums. On voit bien que le maire n'a pas une bonne attitude envers sa population. Il ne les consulte pas sur les sujets qui l'intéressent. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la suspension immédiate du permis de démolition et la rencontre des Oblats qui doit avoir lieu le 18 octobre avec toutes les parties. Toutes les parties sont prêtes à s'asseoir. Le maire refuse de s'asseoir. Pourquoi? C'est lui qui nous représente. Il est indigne de tenir sa place en ce moment.